On nous parlait dit ça nous les c'est tout ça qui qu'a compté. La café semblant les nous serrer, en tes bras au moins les rêter. Donc avancer, on l'aime même chez là. Moi qu'à garder, on l'aime moi pas s'éteint. Si soleil attend la vie moins chère, vous savez vous moins un main. Votre émission Groove Tropical jusqu'à 18h, jusqu'à 20h, excusez-moi. C'est Chantal qui vous accompagne. Petite nouveauté, le jeune homme s'appelle Kerian. Et le titre c'est Vini. Une autre petite nouveauté que je voulais vous faire écouter, c'est vous faire partager plutôt. La jeune fille a tout juste 16 ans, elle a gagné un grand prix de la musique du côté des Antilles. Elle s'appelle Lia et le titre c'est L'amour éternel. Beaucoup de talent. Très très bonne soirée à ma compagnie. Un peu d'amour et d'imperfection. Et toi et moi, c'est juste beau comme ça. La belle histoire nous mènera à l'infini. Minute by minute in love. Je donnerai tout pour ça. Toutes mes prières à l'univers. Just provide your love. Et le soleil sera dans mon cœur. L'amour éternel. Oui, le chemin, je l'ai lu dans ton cœur. Jour après jour, la vie a construit les certitudes des âmes sœurs. Gratitude, bel amour. La native, oui, est pour nous. Laissez venir encore. Mène la lumière, lave-nous. Thank you. France du jeudi après-midi entre 18h et 20h, c'était Zingadingue. Le titre, hein, bien sûr, et impossible, le groupe Petit Clin d'œil, tiens, du côté d'Orme, avec un gros bisou à l'association Tipeee-Ment. Le fidèle auditeur de Radio Arc-en-Ciel et le groupe Tropical, bien sûr. Pa gen pi bel feeling on lè mwen walk up sou yi. Yeah. Gen mwen fè men pou lòt yo pou selman louvri. Tout an boko tan de vwa ou l'esprit mwen poko free. Hey hey ti mama, koto ti mama. Pa kanpe lwen vini pi pou pou n fè yon sel la. Hey hey ti mama, koto ti mama. Bouch mwen peti kou. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Ça fait longtemps qu'on se connaît, notre amitié dure depuis des années. Et j'aurais jamais pensé, regarde ton sourire m'ont désarmé. On s'est toujours promis qu'on se dirait tout. De toute façon j'arrive plus à le garder pour moi. C'est comme si mes pensées me jouaient des tours. Je perds le contrôle, mon cœur dérive sur toi. Je suis attiré par ton body. Pourquoi? Oh, ce qu'on raconte. Moi t'es obligé aller à la racine. Un bras de mes beaux yeux. Devant l'amour, pas de fierté. L'eau couler nos yeux. Je ne me pas trembler. Alors, des sentiments et tout. Thank you. Nous jouons en freestyle, il bat moi en tête. Bonsoir monsieur, je sais déjà qui tu es. Belle Thibault Lhomme, mais ça pas qu'au aïe. Ça qui fait moins fond, c'est mon yeux, vint check. Moi, check à passe. Any eye contact. En jacques à ouais, que nous, collision sans constat. Puis je veux tout le temps, je mets les pieds dans le plat. Il est comme ça, boca et moi, moi. Je vais le marier. Quand moi faible, je fuis où? Ça fait coche, toi tout vendéier. Tu fais coche, toi tout vendéier. Mais le temps fait mon poum poum bat bébé. Il est con, ben sa bouca et moi, moi, con, je la rivière. Il dit moi, moli, bali, sa café, moi, ouais, misère. Et y'a beau m'en pour bail, fait sensation, bouillon et six-em. Il dit moi, moli, bali, sa café, moi, ouais, misère. Est-ce qu'on gagne sa bouca? Tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Bah, je pensais que la sonde a expiré. Et ça qui aime tout, y'a non, c'est moi qui la cause. Oh là, oh là. Moi j'ai du mal à accepter que c'est ex-moi ou yeah. Quelques semaines avant, c'était la vie en rose. Moi fais ou mal et ou pas de mérité. Chaque jour on crie ticket ou en danger. Et tout ça pour yon limena, limena, limena. Senti moi haï, m'connais pas fumé. Moi senti moi sous, ça m'a moué gliré. Kounia moi joué na karma. Même les ou pas prépondre, m'espérer ou attendre. Bébé ou c'est oxygène, moi. La préférée. Oh,

en harmonie. La FM en couleur. En couleur. C'est la raison pour laquelle je me réveille chaque matin. Et je suis vraiment chanceuse. J'ai beaucoup soufflé. Aujourd'hui c'est différent. Et t'es mon équilibre, mon indispensable. Tu es là, tu es là pour moi. Ta présence a changé ma vie. Mon amour parfait. Tu es là, tu es là pour moi. Ta présence a changé ma vie. Notre émission Groupe Tropical, 18h-20h, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe, c'était le groupe Jackpot. Avec ce titre, tu es là, plus tu es en train de chercher ici, je suis là sur le 96.2. Tout de suite, petite séquence souvenir pour tous les fans de Kassab et en particulier Alouane que j'embrasse très très fort, qui est sur la route, il m'a metté la musique à fond, mademoiselle. Thank you. petit garçon, petite fille, ma petite attendite. Les yeux ont dit des mots qui se tiennent de béton. Y'en crie l'autre, Pouchine, lui répond, petit chaton. La FM en couleur. Thank you. pas dans l'amour. Thank you. is a min gap chicken with my red, red, red, red, la. A telephone, moi. C'est nous chaque jour qu'a même place. Nous qu'a même conseil qu'a même belle place. Nous qu'a même des blues, aïe, puis qu'a même pas dit, aïe, comme j'ai mis un mitan, yo. Chantez. Chantez, bifo. Ça nous fait. Fais un choix pour vivre bien. C'est pas qu'on est pas qu'on est. Je ne pas parler. Y'en a nous qu'à ex, mais tout la journée. Après, ça y est, consoler le bouillon plumé. Y'en a ce qu'à nous partager. Maintenant, je vais répéter, mais c'est nous qui t'aimons. Je ne pas qu'on est. Y'en a ce qu'à porter, aller porter tout le monde. Y'en a qui dit, maintenant, je vais qu'on est mon mignon. Nous, on va couper, les belles femmes nous devons. Mais ces dames, c'est nous nous citer. Mais c'est nous chaque jour qu'à me basse. Ça nous fait. Ne t'ose pas parler. C'est pas qu'on est ma gounée. Juste fais un choix pour vivre. C'est pas qu'on est ma gounée. Ça nous fait. Votre maïs, merci un bille. L'hôpital Kayal. La chasse sécurité. Charlie Mixo. Living at woo. Bon et yo. Love Express. I have a sin on it. Yo, mon ma vie a pas mal. Ni me pas tolé. Si nous en baille, vous savez pas avancer, mais gagne. I have a sin on it. Nous on y n'a pas ni plus de prêts, mais pour qui est-ce qui te rêve? N'ose pas parler. C'est pas qu'on est pas qu'on est. Chantez. C'est un choix pour qu'il vienne. C'est pas qu'on est pas qu'on est. N'ose pas parler. C'est pas qu'on est pas qu'on est. Qui se fait un choix pour vivre bien. C'est pas qu'on est pas qu'on est. Ça nous parle juste pas.

ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. C'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. On doit se sauver. phrases qu'on m'a déjà prises il y a longtemps. Hey. Oh, C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. This one is for my lady, for me baby. Jah bless the girl them. We no play with them and them hearts. Say from sake moi aimé. And me gon love her with all my heart. My baby is a good girl. A good girl, my baby is a good girl. She's a good girl, yeah. Ooh. Ooh. Ooh. On sait tout ça, me t'es rêvé gagné. Oui, là, au moins, je viens tout ça, me t'es besoin. À ta côté, je veux rester. Moi, j'ai une confidence pour m'avancer. Avant de sentir ma sécurité, mais même pas besoin de quitter, on ensemble pour la vie. Oui, parce que tu m'aimes comme je suis. Oui, je ne te laisserai jamais partir. Prends ton cœur sous chimie. On dit bébé, ma mère, pour m'aider au loin. Prends mon cœur sacré. Fight with her baby. And even when the times get tough, she stay by my side and she says she don't leave me. She keep me on the low, low, low. She keep me in the flow, flow, flow. 37 on the low, low, low. Low, low. I'm in the voyage. Take me to the place where I can be with nobody else. Baby, since you came, I'm living in a place I don't wanna share with nobody else. So baby, never slow down. Ain't nobody that is gonna slow us down, yeah. The way you cool me down every time you my knees to pray. I'm a say, Jah bless the girl, girl. Jah bless the girl, yeah. We no play with them man, them arts. Set up sa ke moi, man. And we gon' love her with all my arts. My baby is a cool girl. Tropical, chaque jeudi entre 18h et 20h, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Yeah. arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Si que eu que já me excité Chéri, bamba gaila Pa soube ki pou ki mwen kampe sou toi bien Bamba gaila, bamba gaila, bamba gaila Pa biswe autorisation Si que eu que já me excité Chéri, bamba gaila Pa soube ki pou ki mwen kampe sou toi bien Bamba gaila Mrs. F. Chéri, bamba gaila Baga la papille, pa bon pression pou mbay Se mwen pou deside si nou kagaye bay Si mwen ka bon koute kon nou banan batay Fok pou batay, fok pou batay pou bamba gaila

Et vous t'en cherchez, ah oui. Ah, ça décrasse, hein. C'était votre petit live du jeudi soir. Je vous imagine debout sur la table. Bon, en tout cas, très très bon moment avec le groupe Vibe sur le 96.2. Votre émission Groupe Tropical, encore quelques petites minutes à passer ensemble. Allez, un petit peu de douceur quand même avec Mademoiselle Richard Guillaume. Et c'est démoli. h 20h, Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Voilà, il est presque 20h pour moi sur le 96.2, pour vous aussi certainement, on doit avoir la même pendule. Il est l'heure pour moi de vous quitter, je vous retrouve bien entendu jeudi prochain, même heure, même endroit, même fréquence, 96.2. Je souhaite à tous un très très bon week-end, profitez-en bien, et puis je vous dis à la semaine prochaine, bye bye. Ah, je vous laisse en compagnie de Patrick André, c'est extrait de son tout dernier album, et ça s'appelle OP. L'adrénaline, du love, de la magie. je te donnerai envie, bien plus que tu l'imagines. J'ai traversé les années, je suis un rythme machine. Je vais te faire bouger, changer comme la vitamine. Et moi je suis toujours fort. La FM, en couleur. RDP International, longe da vista, perto do coração. Sete horas em Portugal Continental e na Madeira, seis nos Açores. Em destaque nas notícias. O antigo assessor do José Sócrates, Luís Bernardo, um dos suspeitos da Operação Concerto, critica a investigação. Fala em especulação.